À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les rendez-vous de souvenirs, expositions de livres et de photos et séances de films coréens ont eu lieu du 2 au 8 juillet au Venezuela, en Suisse et au Nigeria. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos des grands leaders et du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, toujours à la même occasion, un entretien s'est déroulé en Angola et une séance de lecture au Mali, ainsi que les expositions de livres coréens en Chine et au Ghana.